c'était dur. Attendrai revenir. Alors je m'ennuie. Toi, tu es comme quoi une grande vague de sentiments et de surprises. Mais non, pas des mensonges. Tout le monde a un plaisir. Je fais bon de peur. Voilà, il faut que je plonge de ton jardin. L'oeil de mes regrets. Toi, tu es un arbre et tes bois affectent moi comme une coupe de sable. Encore, il faut se préserver. Attendre ce sombre au fond du cœur. Alors je m'enfuis. Tout le monde a un plaisir. Je fais bon de peur. L'oeil de mes regrets. Alors mais non, voilà. Encore. De mes regrets.